Un cri dans le silence. Ah, sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. Jackpot, et les pièces tombent comme des flocons. Fastoche, des vrais rimes pour les projetons. Sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. On veut du bazar, on fout le bordel sur scène. Et on les brûle pour les vrais mecs de Bruxelles. Depuis nous du son, je vais faire autre chose que du son. C'est plus qu'une intropulsion, t'as des convulsions. All-in, ne crois pas que nous jouons. Braque et rafle le pactole depuis nos premiers jurons. Ça fait longtemps mais je suis venu prendre ce qui m'est du bon. Viens pas me briser les burnes, j'arrache la médaille à c'est du con. Depuis le début on crache sur toutes ces puces. Comprends que tu les mauvaises parce qu'au fond tu sais que c'est du bon. T'as reconnu ma spala, FLO. T'as reconnu où est ton gars, FLO. J'compte pas m'arrêter car j'ai pas tout dit, non, non. On prépare la suite en direct de Tatooine. Quand y'a pas de ça c'est taille. La conque très fraîche, v'là le Saiyan Jedi. Tonton FL, j'suis pas venu te dire que c'est moi le plus fort. On rappe une pomme d'amour dans le fiac, c'est que du love. J'empeste le bon rap, le cognac. Mix qui se la pète, rime parfaite. Pour les grognasses au gros fiac titanesque. Vulgaire, j'crée des petits malaises. Ils entendent ceux qui gueulent, bras ceux qui crient à l'aide. Écoute ce qu'on t'a dit, fais péter le son papy. C'est le retour de ma smala capi, j'paye ton tapis. C'est idée, ta team rouspète jalouse. Mes pirouettes, sale fou, venir nous test, avoue, quelle idée. Et yo, j'me garde sur table. Plus t'en jouer, la mise est doublée. On s'est éloigné de leur face sur patte. Remise, les autres MC s'agitent. All in, pour tous les mettre au tapis. Il est Spagne, je cogne jusqu'à Paris Nord. T'es quasiment si tu sais plus sortir du casino. Ça se voit que t'as le track, maudite journée. Que dit le croupier, Asroi Black Jack. Mec là j'débarque, ici c'est Las Vegas. On peut te casser la main si tu caches des cartes. J'suis l'as des as, ramène tes bingo. J'ai deux boules c'est bingo. Line O, j'win trop c'est clean gros. Donc bouge, nos gars sac pas tes manières. On joue au Black Jack avec Daniel. Rappelle-toi des gars de technique. C'est ça le niveau des casinos. Appelle-moi Sénat Joe Pecci. Ah, sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. Jackpot, et les pièces tombent comme des flocons. Fastoche, des vrais rimes pour les projetons. Sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. On veut du bazar, on fout le bordel sur scène. Et on les brûle pour les vrais mecs de Bruxelles. Mon sale fils de. J'ai les yeux rouges, les dents jaunes et les poumons noirs. Sean H, je viens de sortir de la salle du temps. C'est y'a des mots qui valent tous les trésors du monde. R.I.Z. Pac, on braque et rafle le pactole. F.L.O. Vlad, le Saiyan Jedi. Kilo Dream. DJ X-Men, X-Men, X-Men, X-Men, X-Men.